donne les tables dans la grâce. Tu refais ce que l'or a brisé. Et tu appelles à une circoncision qui ne se voit pas, mais qui fait vivre le cœur en vérité. Tu rappelles ce que tu demandes, aimer, craindre, marcher humblement. Car le Dieu des cieux regarde l'âme, bien plus que l'apparence du vêtement. Tu ne cherches pas des signes extérieurs, mais des cœurs transformés. Transforme nos intentions profondes. Que notre foi ne soit pas un rite, mais une vie qui te réponde. Chante.